3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Envoyez des pouces, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, pas une année sans qu'on parle des New York Knicks, on est officiellement de retour pour l'épisode 73. Oui, oui, oui, vous avez peut-être vu un autre épisode, mais c'était un hors-série, donc ça compte pas. Là, c'est l'épisode 73 de Have a Knicks Week, le rendez-vous hebdomadaire sur KNF TV, la chaîne YouTube de l'association Knicks Nation France. Joanny pour vous servir, Seb pour m'accompagner. Ça va, Seb? Ben oui, ça va, écoute, nickel. On est bien, ça y est, on reprend le petit train-train habituel. On reprend les bonnes vieilles formules. Les galettes des rois, c'est en ce moment. Oui, oui, oui. Il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de choses à raconter dans l'actualité des New York Knicks. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas tout débriefé, les matchs et tout. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous le savez, il y a eu même tellement de choses qu'on a fait un épisode hors série. Mais on va revenir sur ce qui s'est passé d'autre parce qu'il y en a eu. Donc, on perd pas plus de temps, on envoie le petit jingle, et c'est parti pour l'épisode 73 de Have a X Week. Allez, on est parti. Ça y est, Noël est derrière nous, le jeu concours. Bah oui, parce qu'il y avait eu un jeu concours sur l'épisode 72, est terminé. On a un grand vainqueur de ce bel ouvrage dédicacé par Rémi Reverchon. Et donc, on félicite Jean-Christophe Chéron, qui est notre grand vainqueur du prono, du jeu concours pronostique de Noël, qui avait trouvé le résultat le plus proche de la victoire des Knicks sur le match de Noël. Bah oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, ça nous paraît loin maintenant. On est dans l'euphorie des 4 victoires, du trade d'OG, tout ça. Mais les Knicks se sont imposés lors de l'ouverture des Christmas Day Games au Madison Square Garden. Il y avait un petit jersey tout simple avec une petite étoile de neige dans le dos. C'était tout mignon, tout discret. Et puis les Knicks ont battu les Bucks au passage. Donc ça, ça nous a fait plaisir. Et ça nous a tellement fait plaisir que ça fait gagner le fameux lot donc qui va arriver sous peu au domicile de Jean-Christophe. Un abonné, un adhérent fidèle à l'association qu'on a pu voir sur deux de nos voyages et qui est toujours présent sur nos vidéos pour nous laisser un petit commentaire. Donc je pense que tu seras content et on te félicite du coup pour ce beau cadeau et ce pronostic. Tu es notre vainqueur de Noël cette année. Voilà, félicitations à toi. Et comment ne pas mieux démarrer une vidéo que par un cadeau qu'on fait à notre adhérent? Bah moi je sais pas. Si, je sais en fait. Des cadeaux, Léon nous en a fait aussi, les Knicks nous en ont fait aussi. Alors on a Miles McBride qui a signé une extension, mais on a aussi surtout un trade qui s'est produit en fin d'année, le 30 décembre. Tout ça, on est revenu en détail, en long, en large, en travers, sur les tenants, les aboutissants, les joueurs qui sont restés, les joueurs qui sont partis. Evan, toujours dans la déco derrière moi, peut-être qu'un jour il sera amené à changer. Cette déco va évoluer le jour où Evan va partir. Oui, oui, oui, j'ai déjà son remplaçant. Mais on a parlé beaucoup du trade qui nous a fait venir OG Anunoby, entre autres, à New York. On va revenir sur le sportif, tout ça en détail sur nos ressentis sur le trade. Vous l'avez sur l'épisode hors-série, que toujours d'actualité, parce que finalement, c'était une analyse à froid, chaud, c'était tiède, à vrai dire. Bref, tout ça est encore disponible sur la chaîne KNF TV. Ce qui s'est passé d'autre aussi, et on n'avait pas eu l'occasion de revenir dessus, bah, c'est la blessure qui a été confirmée pour Mitch Robinson, qui a fait que, oui aussi, les Knicks ont essayé de récupérer un intérieur dans l'affaire. Des intérieurs, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis, on va revenir sur ça. Mais il s'est passé pas mal de choses, pas mal de mouvements, mine de rien, depuis cette quinzaine sur lequel on n'avait pas pu débriefer l'actualité. Donc là, et on c'est va pas revenir fini. Dessus. Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Il y aura peut-être d'autres moves, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir régulièrement sur KNF TV, et il y a un épisode toutes les semaines. Ce qu'il va falloir faire aussi régulièrement, c'est voter. Oui, oui, oui. Ah oui. Voter. Pas pour les présidents, pas pour les municipales, tout ça. Non, non, non. Ce qu'il faut faire, c'est voter pour vos joueurs de cœur. On le rappelle, le All-Star Game, c'est avant tout un vote de popularité. Et aujourd'hui, bah, les Knicks, ils sont un petit peu à la rue. Les Knicks sont pas populaires. C'est bizarre, pourtant, la franchise est plutôt populaire. Elle peut compter des fans dans le monde entier, dans tout un tas de salles, pas qu'au Madison Square Garden. On a pu le voir où ça à Philadelphie, on a pu le voir entre autres aussi à Washington il y a peu, où bah, des supporters vont scander des chants de MVP, MVP pour du Julius, pour du JB. Mais bizarrement, il n'y a pas grand monde à voter quand il faut voter pour le All-Star Game. C'est quand même dommage, ouais, parce qu'on a une des plus grosses fanbases au monde et ça se mobilise pas, quoi. Alors, il faut bien penser à cocher la case « Je ne suis pas un robot ». Peut-être que les gens votent, mais comme c'est des robots, bah finalement, on ne va pas jusqu'au bout du vote. Donc, on vous invite à voter en masse. Moi, je vote toutes les semaines, tous les jours, que pour les joueurs des Knicks dans la conférence Est. Bien sûr, tous n'ont pas un niveau All-Star. Moi, je vote pareil, pour quasiment tous les jours, pour les joueurs des Knicks, sauf un. Sauf un. Un qui porterait le nom de Emmanuel et qui finirait par Quickley, peut-être. Allez savoir. Allez savoir. Est-ce qu'il sera All-Star ? C'est pas gagné. Il le sera pas. Top 10. Il le sera mais pas, bon. Mais en tout cas, cette, pour Knicks cette un jour, année. Knicks toujours. En tout cas, pour cette année, voilà, je fais l'exception. Je mets toujours une petite place au show pour mon petit IQ. Bah écoute, je votais pour lui jusqu'à ce qu'il soit trade. Maintenant, je vote pour OG Anunoby. Et j'ai changé mon joueur de backcourt. J'alterne entre Hart et DiVincenzo. J'avoue, j'alterne. Mais en tout cas, JB a la faveur de nos votes. Donc on compte sur vous pour voter. Il n'est que 6e avec 370 000 et quelques votes au premier décompte. Julius Randle, pourtant, qui fait une saison d'un niveau All-Star, on est tous d'accord pour s'accorder à le dire, bah pour l'instant, en termes de popularité, il n'est pas là, il n'est pas dans le top 10. Non, mais il y a des trucs... On a du Kuzma, on a du Paolo Banchero, effectivement, il y a des joueurs un peu plus... Il y a des équipes qui sont... Il y a des équipes hors play-in qui ont deux All-Star, t'as des équipes qui... Enfin, en effet, c'est... De toute façon, on le sait, hein, le All-Star Game, ça, on l'invente pas... C'est voilà, comme tu dis, on vote pour nos chouchous. Regarde, moi je vote pour IQ. Donc on vote pour nos gars, on vote pour ceux qu'on aime bien, on vote pour les gars de notre équipe. Si ça avait été quelque chose au mérite, ça, on le saurait et on le saurait depuis longtemps que c'est au mérite. C'est pour ça qu'après, il y a aussi le vote des journalistes, des joueurs, le choix des coachs qui sont là pour contrebalancer ce fanatisme de ce fanatisme d'équipe, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Les gens sont là en mode Kuzma, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, Kuzma, il y a des gens qui votent pour lui. Donc, il y a des gens qui votent pour lui, donc il récupère des votes parce que voilà, c'est comme ça. Faut croire que les gens aiment sa belle gueule, faut croire que les gens aiment ses pulls, c'est ce côté Instagram. Quand une année, il y avait eu Caruso aussi, quand il y avait eu Pachulia, quand il y avait eu. Parce que. Voilà. Pourquoi est-ce que Yao Ming, il avait été All-Star aussi toutes ces années? Parce que, ben aussi, il y avait les Chinois qui votaient en masse. Rappelle-toi, peut-être. Sur son année rookie, ça avait été énorme. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça n'a jamais été au mérite le vote All-Star du public. C'est le vote du public. Et c'est tout, quoi. C'est un vote de popularité, tel une Miss France. Voilà. Bah oui. C'est ni plus ni moins que ça. C'est la Mais plus on belle vous encourage tout de même. On vous encourage tout de même à voter parce que en termes de jeu, est-ce que les joueurs jouent à un niveau All-Star? Oui, à New York, il y en a deux qui évoluent à un niveau All-Star en ce moment. Jalen Brunson, l'année dernière, n'a pas cette distinction alors qu'on s'accorde tous à dire qu'il a ce niveau. On espère que cette année, il va pouvoir y être. Ça ne sera peut-être pas starter parce que là, il parle de loin avec les votes des fans. Même si, comme tu l'as dit, ça sera un petit peu contrebalancé, rectifié par le vote des coachs et tout. Donc ça pourra peut-être le faire grappiller quelques places. Mais ensuite, les coachs feront le choix pour décider qui, en tant que remplaçant, mérite une sélection All-Star. Il a fortement ses chances d'en faire partie, mais ce n'est pas garanti. Donc pour ça, voilà, on vous invite à continuer de voter en masse. On peut voter tous les jours. Il n'y a pas un vote une fois et on oublie. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément le rappeler, mais c'est un vote qui peut se faire tous les jours. Il y a des journées où ça compte double, des journées où ça compte triple, donc profitez-en, et on vous le rappellera sur les réseaux sociaux pour essayer de rendre nos joueurs populaires, parce qu'ils le méritent avant tout. Voilà. Allez, avant tout. Ceux qui méritent aussi qu'on parle d'eux un peu en ce début d'année, bah c'est des champions. Et oui, les Knicks sont champions. Alors les Knicks, pas les New York Knicks, les Westchester Knicks, toujours du mal à prononcer ce nom, Westchester. Mais l'équipe de G-League a remporté un titre. Et oui, si ce n'est pas les Knickerbockers de Manhattan, du Madison Square Garden, c'est ceux de Westchester en G-League qui ont remporté un titre sur l'équivalent du In-Season Tournament de la G-League. Il y a eu un tournoi aussi. Et ils ont été champions, donc on les félicite. Bravo à eux. Au moins, ça ramène bah oui. une sorte de coupe à la maison. Du moins, je sais pas, la bannière, elle sera pas accrochée au plafond du Madison Square Garden. Elle sera peut-être accrochée au plafond ou au mur de la salle de Westchester. J'avoue ne jamais avoir été dans cette salle-là. Et un autre joueur qui s'est distingué dans cette équipe, c'est Dylan Windler, qui a fait ni plus ni moins qu'un record all-time de la Ligue, de la G-League, au rebond. 33 rebonds, franchement, une performance dingue, sachant que c'est pas un joueur non plus, comment dire, d'un gabarit exceptionnel. Ouais, il est passé par les Cavs, oui, mais voilà, 33 rebonds, on se dit mince, c'est un monstre dans la raquette, on aurait pu voir un Bol Bol ou qui sais-je, un monstre physique qui allait prendre tout, qui allait être l'aspirateur à rebond, non, un joueur d'une taille normale, en NBA, en G-League. 33 rebonds, visiblement ça tapait dans l'œil des Los Angeles Lakers, qui lui ont offert ni plus ni moins qu'un two-way contract, donc peu de chance qu'il décroche une place en NBA, mais voilà, en tout cas, il n'est plus à New York, il n'est plus à Westchester, après sa belle performance et ce titre acquis au milieu de l'hiver. Allez, un autre dont on va parler, le tonton, l'ancien, le vétéran, le papy, le joueur de toujours pour Tom Thibodeau, pour Tom Thibodeau, Taj Gibson. On a appris dans la nuit de dimanche à lundi le départ de Taj Gibson. Il était arrivé, entre guillemets, sur la pointe des pieds après l'annonce de la blessure de Mitchell Robinson. Il y avait un déficit au poste 5, même si Jericho Sims était là, il s'est reblessé derrière. Bon, Taj Gibson est venu faire quelques matchs, quelques derniers matchs à New York. Un petit message pour dire merci, au revoir, c'était sympa. Bon, on s'attend peut-être à une intégration dans le coaching staff, pourquoi pas, de Taj Gibson. C'était peut-être un move qui se faisait en deux temps. Il est venu pour dépanner. Je ne sais plus quel âge ça lui fait, Taj Gibson. Il n'est plus très jeune. Ça fait quelques années qu'on le voit. Il était encore de l'époque D-Rose à Chicago à l'époque. Mais voilà, on sentait que c'était difficile pour lui d'enchaîner les matchs. Et puis, 38 ans, 38 ans. Bon. Bah quand il était arrivé, le premier match, il était vraiment à court de forme, de chez à court de forme. D'ailleurs, visiblement dans le vestiaire, tout le monde l'a un peu chambré, tout le monde l'a un petit peu, voilà, sur parce qu'il était, il était à bout de souffle complet. Il avait même demandé son remplacement parce qu'il en pouvait plus. Tonton Taj, il évolue, dépanné pour aider son ami Thibodeau. Bah, comme tu l'as dit, dans ce déficit de poste 5. Il est libéré là maintenant, mais à ce qu'on peut raconter les différents insiders, c'est que ça a été vraiment une décision assez compliquée prise par le front office parce que c'est quelqu'un d'attachant, parce que c'est quelqu'un qui aime les Knicks et qui est très lié au coach. D'ailleurs, juste avant sa fin de contrat, il avait été posé la question à Thibodeau en conférence de presse. Si un jour, est-ce que Taj Gibson en fin de carrière pourrait intégrer votre coaching staff? Il avait dit à 100%. Donc, comme tu l'as dit, est-ce que c'est une fin de carrière comme ça qui se termine à la maison? Pourquoi pas? Il avait dit lui-même dans une interview il n'y a pas si longtemps que ça que justement à l'époque des Knicks. À l'époque des Bulls, par contre, ils avaient parlé des Knicks. Ils avaient parlé qu'un jour, ça les ferait bien kiffer d'être là-bas, tous les deux, voire même tous les trois à l'époque avec Derrick Rose. Et un Taj Gibson, on a tendance à l'oublier, mais un gars de Brooklyn, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et au final, ils se sont retrouvés tous là-bas. Ça a été un kiff avec Derrick Rose. Bon, après, l'aventure d'Derrick Rose, elle a été en plusieurs temps, avec plus ou moins de réussite sur chaque période. Mais c'est quelqu'un qui est très lié, qui aime beaucoup la franchise, qui aime beaucoup évidemment donc le coach. Et je pense qu'en effet, ça a été peut-être compliqué. Maintenant, c'était compliqué aussi pour lui d'assurer, même si au match de Noël, il nous avait fait un super match. Il a eu quelques belles séquences sur Giannis. Voilà, Taj a jamais un warrior des Knicks. C'est pas évidemment un joueur qui rentrera dans la légende, mais c'est un type qui on pourra jamais dire qui on pourra jamais dire que il a pas tout donné avec le maillot quoi. Il se l'est donné à fond donc merci pour tout. Merci pour ton passage et un passage qu'on reverra peut-être sur le banc à voir. Ça c'est des choses qu'on va scruter. Je sais pas si une autre parce que ça sera fait durant la saison. Ouais, est-ce que ça sera fait en pré-saison prochaine? Moi, je vois plus ça, voilà, une annonce en juillet, août, un truc, voilà, ton tâche, il devient assistant de Thibodeau, et ça sera très bien. Est-ce que Tom Thibodeau va rester à New York? Ah, ça aussi, il Ah, si on faudra va en patienter un peu playoff, pour le je savoir. le vois mal dégager. Hein. C'est un autre dossier qu'on ouvrira beaucoup plus On en tard. est Mais loin. On en en tout est loin. cas, avec ce départ, il n'y a plus que 14 joueurs sous contrat garanti, puisque le contrat de Taj Gibson ne l'était pas. Donc, qui dit une place de libre, relance tout de suite tout un tas de rumeurs, et des rumeurs et des noms de joueurs qui pourraient être sur les radars des Knicks. Il y en a plein. Dejounte Murray, Malcolm Brogdon, Tyus Jones. Après le départ de Emmanuel Quickley dans la seconde unit, il y a un vide qui Alec s'est Burks. laissé montrer. Alec Burks également, côté effectivement Detroit Pistons, où c'est la galère pas possible, et où on le sait, Alec Burks est un des chouchous de Tom Thibodeau, capable d'être un meneur, pourquoi pas par séquence. Bref, est-ce qu'il y a d'autres moves qui se préparent? Je pense que ça va Stephen A. bouger. Smith ou d'autres insiders réclament l'arrivée d'une star. Oh, Franchement, il est il est pénible. peu probable. Il est peu probable qu'en cours de saison, il y ait une réelle star qui vienne débarquer à New York. C'est rare aussi que ça se produise dans d'autres franchises. Hein. Moi, je sais pas, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est plutôt au Phoenix Suns, Kevin Durant. Et au final, on a vu que ce n'était pas signe de réussite tout de suite. DeMar DeRozan, André Drummond. Bon, il y a tout un tas de noms, il y a tout un tas de postes qui pourraient voir du renfort de par la blessure de Mitch, de par maintenant le départ de Quickley. Toi, tu penses que ça va encore bouger d'ici la deadline, Ah, c'est notamment sûr. avec ce dernier move là de Taj? Pourquoi on l'aurait coupé? Pourquoi on aurait coupé Tonton? Parce qu'il faut libérer une place dans le roster. Et on a encore à disponible. Enfin, disponible. On a encore, comme je disais lors de l'émission spéciale Trade Doji, on a encore du cap et du pic à fournir. Alors, est-ce que Cap et du là, pic. ça sera Ok, un ok. move? Eh oui, mais c'est hyper important pour une équipe en reconstruction. C'est ce qu'ils recherchent en priorité, du cap et du pic. Et nous, c'est Même ce qu'on si a. les pics, on est d'accord qu'ils sont relativement protégés, mais On ça a peut nos pics intéresser en tout de même. propre. On a encore tous nos pics en propre. Alors, certes, est-ce qu'ils sont intéressants? Ça Bah, quand reste tu as une équipe ça. qui est performe, les pics sont plus bas. Voilà, Mais il ça, mais faut ça parier reste quand sur même du. l'échec des Knicks. Ça reste quand même du first pick. Ça reste quand même du pick du premier tour. Après. Voilà, on a d'autres pics qui viennent, voilà, qui sont assez protégés, qui risquent tout de même de se transformer en second tour. Bon, à voir. Mais en attendant, moi je pense qu'en effet ça a bougé. Alors oui, après on a vu des matchs sympas de McBride, de Grimes, c'est ici en sortie de banc, même si je trouve que Grimes va un peu mieux, un peu plus confiant dans son shoot. Mais voilà, McBride, c'est sympa, c'est mignon, mais il nous faut. Un créateur en sortie Un de banc. playmaker, Da un playmaker. derrière, Jimmy peut pas encore, peut pas. On arrive à mi-saison, il peut pas faire une moitié de saison à 40 minutes par match. Il va arriver exploser en playoff si tant est qu'on doit y aller. Donc il faut un mec qui soit fort, qui soit. Alors ensuite, est-ce que il y a plusieurs choix? Parce que on entend des Dejounte Murray et ce sont des vraies rumeurs. Ce sont des vraies rumeurs sur les Knicks sont vraiment intéressés par ces gars-là, notamment par Brogdon. Il y a deux équipes de l'Est, il y a Orlando et les Knicks qui sont intéressés par Brogdon. Et Murray, ça fait un moment qu'ils étaient intéressés, même à l'époque où il était aux Encore à San Spurs. Antonio. Ouais. Alors, le problème de Murray, c'est que tu changes ton starting five, parce que si tu veux venir ce gars-là, C'est c'est ça. pour être starter, C'est mais pas pour dans être ces cas, sixième tu. homme, quoi. Non, et dans ces cas, tu coupes toute l'alchimie qu'il y avait avec Dante DiVincenzo, et ça ne te règle pas forcément le souci de créativité du banc, ou alors bah, il joue très peu dans l'équipe 1, enfin, ça va être un micmac, et je ne suis pas sûr que le joueur, même s'il serait sous contrat, parce que son contrat se finit cette année à Murray, et il débute son extension l'année prochaine à 24 ou 25 millions, Ça là va, pour des l'instant, il a tarifs le qui sont contrat. corrects au regard du joueur, quoi. Voilà, là pour l'instant il a le contrat de Evan environ, il a 18 millions la saison. Soit dans ces cas tu vas chercher un Malcolm Brogdon, qui lui pour le coup est un vrai sixième homme, il a été sixième homme de l'année dernière, on est à la Devant barbe IQ. de Quickly, voilà. Qui est également un bon joueur, on a eu des débats avec des copains pour savoir si bon. Mais c'est un bon joueur. Maintenant, le problème, c'est voilà, c'est son côté injury C'est prone sûr. parce que c'est un type qui se blesse beaucoup. Donc, si tu envoies, par exemple, je vais dire une bêtise, Evan, plus 2, plus 1 first pick ou 2 first pick, et que ben, finalement, ils ne te finissent pas la saison, ils ne sont pas là en playoff, ben, tu l'as un peu dans le baba, quoi, parce C'est de que. l'argent dépensé, des assets dépensés pour rien, et au final, tu ne comprends pas plus Ben, sur et ce tu ne les joueur. récupéreras pas. Bon. Mais après, ce type-là en forme, ben, c'est sûr qu'il peut jouer à côté de Jimmy. Parce que c'est également il peut jouer arrière et c'est un bon défenseur. Il peut animer la seconde unit parce que ben, c'est un vrai meneur. Contrario de Emmanuel Quickly qui était plus un combo, lui, Brogdon, c'est un vrai meneur. Donc, c'est vrai qu'à choisir, quelque part, au niveau du fit d'équipe, Brogdon semble plus intéressant que Murray. Après, on ne travaille pas au À front voir. office, donc. À voir tout ça, mais effectivement, la question va se poser. Le move récent pour retirer Taj Gibson de l'effectif laisse entendre dire qu'il va y avoir un ajout pendant pas longtemps. Est-ce que ça sera effectivement un starter qui va être cherché? Peu probable, on a du mal à le concevoir au regard du fait qu'on a récupéré un OG Anunoby il n'y a pas longtemps, que le reste de l'effectif tourne plutôt bien, dont Teddy Vincenzo a trouvé sa place, même si c'est peut-être pas un starter indiscutable, indéboulonnable. Mais voilà, il y a plus besoin d'apport en seconde unit. Je sais pas, moi je sens bien le coup venir sur Alec Burks. Je sais pas, on est sur les histoires des retours, on se dit, bon, Alec Burks, ça doit pouvoir se monnayer pour pas très cher. Effectivement, tu peux envoyer du Oh Evan bah. Fournier si tu as besoin, ou parce que Ah, là, sa et contre situation, lui, il va falloir la Evan, régler. Ça se fait en 1-1 alors, hein, parce que là tu mets même pas du pic hein, pour Alec Burks. Non, mais voilà, bien sûr. Ou alors tu mets un second tour ou deux seconds tours pour aller à Détroit, qui a besoin de toute façon de reconstruire, qui est en galère pas possible. Mais moi, je verrais bien un peu ce genre de profil, à savoir, c'est pas bling-bling, mais c'est efficace, ça connaît la maison, Thibodeau l'a déjà utilisé. On sait qu'il peut le faire porter le ballon, on sait qu'il peut mettre des paniers quand il a besoin parce qu'il sait gut bucket en fin de match, il l'a montré à plusieurs occasions, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, à Détroit. Donc moi je verrais plutôt ce genre de move, un petit ajustement et tous les autres noms qu'on voit passer, même si on a vu DeMar DeRozan plutôt venir draguer les Knicks en disant moi c'est deux destinations, c'est Miami ou New York. Bon là on est plutôt sur des joueurs qui sont dans le starting five, c'est pas la même approche, Pas c'est pas la même convaincu moi par besoin. Burks. Je pense que là les Knicks ils savent que il y Je a me une dis que c'est le petit fenêtre. move pas cher. C'est un move petit bras, peut-être, Oui, peut-être, pour mais renforcer la seconde unit, mais pas pour aller chercher non plus. Et Burks, en termes de blessure, en termes de poids de contrat, bon, on risque pas grand-chose, quoi. Au pire, voilà, on a perdu, on a dilapidé Burks c'est pas lui qui va te un faire choix. jouer Burks il se Burks c'est un IQ quoi. C'est un mec qui va se créer pour lui. Qui n'hésite pas à prendre les tirs parce que tous les tirs sont bons pour Alec Burks. Il n'y a Même pas les un tirs mauvais compliqués, tir. même les tirs Il n'y a casse-croûte, pas tout à fait. un mauvais tir. Tous sont bons. Tu vois, c'est un peu comme un Tim Hardaway Junior, quoi. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Est-ce que c'est ce genre de profil qu'il nous faut? On Moi, a, je à dis sachant ce que je pressens. Mon feeling me ferait dire, on va faire un petit move comme ça pour renforcer. On va pas non plus. De toute façon, c'est pas des moves qui vont nous mettre dans la catégorie contender. Ça, pour faire un move pour être contender, il faut effectivement un joueur plus élite. Un Donovan Mitchell, pourquoi pas, même si. Maintenant qu'on a fait partir IQ et RG, peut-être que ça va être plus compliqué d'aller chercher en termes de valeur marchande. Est-ce qu'on a de quoi payer un trade pour Donovan Mitchell? Et là, effectivement, je pense que la saison, elle va se terminer avec un effectif solide. On va espérer de gros playoffs de Randle, enfin un des vrais playoffs de Randle, pour voir jusqu'où ça peut aller. T'as vu Mais ce qu'il s'est dit là quand même, hein? Parce que compliqué, quoi. t'as vu un petit peu ce qu'il s'est dit que cet été sur Randle, il s'était posé des questions. Bon, Normal, normal. finalement, ils n'ont pas exploré plus que ça les pistes. Là, ils vont voir comment ça marche le fit entre lui, GB et OG, voir comment ça fonctionne. Et entre guillemets, hein, je mets des guillemets, il attendrait un peu au tournant au Voilà. playoff 2024. Et voir Sa comment ça se dernière passe, chance, et quoi. entre guillemets, ça serait un peu ouais, The Last Dance, quoi. C'est C'est ça passe ou ça, ça c'est casse, ça. quoi. Donc. C'est Erwan Abotret de First Team qui disait ça chez Winamax en disant bon, en fait, au regard de la saison et de la saison qu'il produit, Julius Randle, il a peut-être gagné son droit d'avoir sa dernière chance en playoff avec New York. Et puis on verra l'été prochain. Mais là, en cours de saison, faire bouger un gros asset comme ça pour aller chercher une autre star, pour recréer une alchimie en courant de saison, alors que l'effectif se comporte pas trop mal. Oui, OG est arrivé à porter de la défense, on en avait besoin, à retrouver une certaine forme d'équilibre au niveau de l'effectif, mais les résultats sont là. Les Knicks sont entre la place 4 et la place 8, parce que c'est assez dense dans la conférence Est. Pourquoi essayer de faire un move pour essayer de tout chambouler et intégrer un top 3 à l'Est, alors qu'on n'est peut-être pas certain que ça va marcher, quoi. Voilà, il faut peut-être mieux jouer la sécurité, renforcer la seconde unit, avoir des joueurs vétérans de valeur sûre qui connaissent la maison, que Thibodeau sait coacher, plutôt que d'explorer une piste en se disant « Allez, on lance une pièce en l'air et puis on n'est pas sûr de ce que ça donne. » Donc, à voir, mais en tout cas, on va être attentif à ce qui va se passer. La mais attendez-vous quand même un petit mot. C'est février, donc le mois de janvier va être... Le 8 février. Voilà, va être à surveiller comme le lait sur le feu. Bon, ça, c'est pour tout ce qui peut se passer en coulisses. Mais sur les parquets, il s'est passé pas mal de choses. Alors oui, l'émission remonte à pas mal de temps. La dernière, l'épisode 72, c'était avant le break de Noël. Il s'est passé pas mal de matchs, des victoires, des défaites, des victoires surprenantes. Des défaites un peu décevantes. Qu'est-ce que toi, t'as retenu 11 matchs. Sur cette période 11 matchs. Alors, je ne sais pas si on veut faire le bilan exact. On a été gagné, on peut le dire, on a été gagné à Los Angeles, aux Lakers. Après avoir perdu contre les Clippers. On a gagné, à Los Angeles, on a gagné à Brooklyn. Bon, ça, c'était une fin de road trip qui se terminait plutôt bien. Et puis, c'était à quelques miles du Madison Square Garden. Derrière, une défaite contre Milwaukee. Bon, une de plus. Mais l'équipe a plutôt bien rebondi le 25 décembre avec la victoire 129 à 122 contre les Bucks. Gagner au moment de Noël, ça fait toujours plaisir. Puis derrière, un road trip qui part à OKC, qui part à Orlando, Indiana. Trois défaites. Et là, dont une énorme aux Pacers, mais c'est au moment du trade. Donc, on est amputé de IQ et RJ. Et on en prend 140 contre les Pacers. Et les Pacers, qui sont une équipe qui tourne plutôt bien. Alors, même si le bilan est proche de celui des Knicks par moment, ou voire un petit peu en dessous, c'est une équipe qui a terminé, on le rappelle, en finale du In-Season Tournament, qui se comporte plutôt bien depuis. Tout de même, ils ont réussi à retrouver de la victoire. Et puis, qui score beaucoup. Ça score jusqu'à 150 points par match contre les Pacers. Avec un Haliburton magnifique, qui fait une saison de All-Star. Des passes à 20 passes par match, et puis zéro turnover. Formidable. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas drafté? Allez savoir, on a préféré prendre un power forward de l'issue de Dayton, je crois, c'est ça? Bref. Donc, Indiana, c'était compliqué, c'était une belle rouste. Et puis derrière, les Knicks, avec ce trade OG, Achiuwa et Flynn, ont réussi à rebondir, et pas de n'importe quelle façon, puisqu'ils ont rebondi chez eux, face à Minnesota. Minnesota, c'était quand même l'équipe numéro 1 de la conférence Est à l'époque. Une des meilleures équipes NBA. Voilà, on joue, il faut le rappeler, sans un certain Mitch Robinson. Et côté Minnesota, il y a une perte d'intérieur plutôt challengeante avec un certain Karl Anthony Towns, Rudy Gobert et compagnie. Naz Reid. Très, très belle victoire. Naz Reid. Et puis un premier match, réussi. Tout abouti de OG Anunoby, hein, qui a tout de suite réussi à montrer son apport. Il sort pour 6 fautes. Les deux dernières sont un peu dures à lui siffler. Notamment la dernière sur Gobert, c'est très compliqué de lui siffler la sixième là-dessus. Bon, il les a pris. Hein. Dommage, parce qu'il aurait pu faire encore mieux pour ses premiers débuts, mais il a quand même impressionné le Garden. Il s'est tout de suite intégré comme il faut. Ouais, il était attendu. The Iceman, quoi, c'est l'homme sans émotion. Bon, visiblement, c'est sa personnalité, il est comme ça, hein. il n'est pas trop expressif. Moi, ça me déstabilise toujours de voir un mec sans émotion, quoi. Il claque un poster dunk, il fait une belle défense, il se tape pas sur le torse, il dégage rien, en fait. Je sais pas si c'est humble ou si c'est... Je sais pas, ça me... Tu te dis, putain, mais il est heureux d'être là ou pas, en fait? Est-ce qu'il est heureux d'être en X ou pas? Enfin, il a l'air d'être content d'être arrivé dans une équipe où il a trouvé sa place. Mais c'est vrai que vu qu'il dégage rien... Difficile de dire sur son body language. Il y en a d'autres pour lesquels on va tout de suite partir sur des spéculations par rapport à des frustrations qui sont tout à fait lisibles. Là, vis-à-vis de l'ami OG, effectivement, c'est relativement lisse. Après cette belle victoire, on a enchaîné. face à Chicago. Ouais. Bon, Chicago, voilà, va pas si mal que ça depuis qu'il joue plus avec DeRozan, avec Lavine, pardon. Mais il fallait gagner ce match. Ça a été assez compliqué par moment, mais ils en sont bien sortis, 116 à 100. Puis, déplacement encore compliqué sur le papier. C'était un peu match test pour un certain Hartenstein qui fait une très belle période. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais face à Joel Embiid, le MVP en titre, Tyrese Maxey, qui joue plutôt pas mal aussi dans son registre, une victoire, que dis-je, un blowout infligé à Philadelphie chez les Sixers, 128 à 92. Alors moi, j'espère qu'on aura le même match au match retour à Philadelphie fin février, puisque c'est le match du trip associatif. Donc, après, je pense qu'il faut le relativiser un petit peu, dans le sens où tu avais un Joel Embiid finalement qui au match suivant ne joue pas parce que il s'était fait mal au genou. Alors bon, quand on me dit oui, il est sur le terrain, il joue, c'est qu'il peut jouer, d'accord, mais tu sentais quand même qu'il y avait une gêne et qu'il jouait pas comme d'habitude. Et un Tobias Harris. Il termine quand même à 30-10. Hein, ouais. Avec s'il était diminué, il était quand même productif, cet ami Joel. Mais effectivement, on sentait de la nonchalance qui est un peu des disons fois que très, c'est... Disons que aussi. C'est vrai que ça te fait. Il a fini en 30-10. Mais tu sais, c'est comme les températures, mais ressenti 15-7. Tu vois, enfin, c'était bizarre un peu son match à l'ami Joel. Et on a Tobias Harris aussi qui est sorti rapidement, qui est parvenu du match. Donc c'est vrai que là, d'un coup, il faut pas enlever cette belle victoire historique là-bas à Philadelphie. Mais sur les quatre confrontations qu'on va avoir à faire contre eux, celle-là a été la première. Ça va pas finir un blowout maintenant, même sur les trois autres. Hein. Donc, Non, mais c'est plutôt sympa. Et effectivement, quand on se dit, est-ce que les Knicks peuvent venir chatouiller, venir être compétitifs par rapport à des équipes élites de la conférence? Bon, contre Boston, on a perdu tous nos matchs. Contre Milwaukee, on en a gagné un. Là, contre Philadelphie, on gagne la première confrontation. Ils sont au complet. Hein. Il y avait quelques joueurs absents, mais plutôt des joueurs de rotation ou du banc. Le starting five était au complet, même si Harris se blesse aussi courant de match et finit pas la rencontre. Mais en tout cas, les Knicks ont laminé Philadelphie avec une avance qui a oscillé entre les 30 et 40 points. 75 points à la mi-temps. Historique, ça avait été 75 points. Ouais. Voilà. Bon, c'est un des beaux matchs qu'il fallait garder en souvenir, et tant mieux, on le prend. Ça aide au bilan comptable des Knicks. Nos go-to guys étaient McBride et Grimes, quoi. Avec McBride à 4 sur 4 à 3 à la mi-temps. Enfin, fantastique. Donc, moralité, on n'a pas besoin d'un Malcolm Brogdon, on a un McBride. Ah non, bien sûr, on a Juice. Et pour finir cette belle série, cette belle semaine et cette revue des résultats, une victoire à Washington. Bon, Washington, là, on se dit, quand tu bats Minnesota, quand tu bats Philadelphie, les Wizards, 6 victoires au compteur, ça ne doit pas poser de problème. Bon, les Knicks ont pris de l'avance, mais se sont fait rattraper. On a joué avec le feu pour, au final, plutôt bien s'en sortir, avec un score que je vais essayer de retrouver, 121 à 105. Mais là, pareil, quand tu dis le ressenti, non, ce ressenti n'était pas le même sur ce match. Non. J'ai pas aimé ce match du tout. Autant le match contre Philadelphie, Randall passe complètement à côté et c'est bien secondé par le banc. Là, on a retrouvé un Randall plus efficace qui joue à l'intérieur, qui va chercher ses points. Mais par contre, l'équipe n'a pas été constante dans l'effort et s'est mis en danger régulièrement. Quoi, en fait. Alors, certes, on était en back-to-back, mais eux aussi. Donc, ce n'était pas une excuse. On monte presque à quasiment plus 30 dans le match en première mi-temps. On finit à plus 20 à mi-temps parce que d'un coup on s'aperçoit, les joueurs s'aperçoivent que s'ils accélèrent, s'ils jouent sérieux, en fait on décolle, quoi. Mais le problème c'est que on joue quand même une équipe qui est une bête blessée, qui joue à domicile, qui a peut-être pas envie aussi de se faire marcher dessus, et forcément ça revient. Ils sont revenus à un moment donné à plus 5 quand même, tellement qu'on jouait mal. Et moi j'ai pas aimé les attitudes parce qu'on les... On avait vraiment un peu, ils jouaient un petit peu avec ce sentiment presque un peu de supériorité. Les passes un peu what the fuck en attaque, les machins, les replis défensifs qui n'étaient pas faits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été posé, quand ils sont revenus à plus 5, Tibbs prend un temps mort et il a été posé la question qu'est-ce que vous avez dit vos joueurs à ce moment-là? Et il a répondu aux journalistes vous n'aimerez pas savoir. Donc je pense qu'il leur a dit leurs quatre vérités avec des mots plus ou moins bien sentis, quelques noms d'oiseaux, et ça a recentré l'équipe qui derrière a fait à nouveau des stops défensifs, qui a à nouveau marqué des points et qui à la fin finit voilà avec un quasiment un plus 20 en victoire finale. Mais ouais, ce match, je l'ai. Même si on a gagné, on n'avait pas de doute qu'on allait gagner. Mais c'était l'attitude qui me dérangeait énormément, quoi. C'est ça. Ils ont joué avec le feu. Heureusement, on ne s'est pas brûlé. C'était un back-to-back, comme tu le dis. C'est bien de prendre des matchs en victoire en back-to-back. Le déplacement n'était pas très long, hein. Ils sortaient de Philadelphie. Voilà, tu continues un petit peu quelques matchs et tu arrives à Washington. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les Knicks se sont un peu mis en danger. On a retrouvé un Randle, on a retrouvé un JB, encore une fois, qui était plutôt en réussite. Mais voilà, ce n'était pas aussi abouti que la rencontre face aux Sixers. Bon, peut-être que la rencontre face aux Sixers, ça sera aussi le match de référence de la saison des Knicks. C'est pas dit qu'on passe autant de blowouts à des équipes élites pour la suite du calendrier. Bon, bah voilà, en tout cas, ça fait un beau bilan. Une série de 4 victoires consécutives pour commencer l'année 2024, pour fêter, on va dire, le trade de OG Anunoby. Toi, est-ce que tu veux retenir quelque chose de spécial sur cette période qui est relativement longue, hein, la période de Noël? Qu'est-ce que tu veux retenir? Est-ce que les Knicks te rassurent? Est-ce que les Knicks t'inquiètent? On avait vu qu'il y avait des problèmes en défense. Ça semble aller mieux depuis l'arrivée de OG. Ben alors déjà le bilan hein, parce qu'on fait un 7 on fait un 7-4 quand même. Donc 7 victoires, 4 défaites. Les quatre défaites sont pas infamants. Tu perds contre des équipes Ok, ici Orlando, Indiana, presque plus que je devrais Milwaukee. presque je devrais dire contre qui presque tu peux te perdre ou tu as le droit de perdre, surtout quand tu joues à l'extérieur. Celui qui m'embête un peu plus, moi, c'est Orlando. J'avoue, Alors, autant OKC, on sait que ça joue vraiment sur le talent de SGA, qui a un effectif qui est assez jeune, qui court, qui cavale, et ça sourit rarement à New York. Par contre, Orlando, on est un peu dans la lutte avec cette équipe. Indiana aussi, on va le dire, mais Orlando, c'est la belle équipe surprise de ce début de saison. Il y avait le fameux Kenny Smith, ancien New-Yorkais, qui a évolué à Houston et qui commente aujourd'hui sur TNT, je crois, qui disait, voilà, il n'y a pas de meilleur joueur sur le terrain. Quand on joue contre le Magic New York, bah, c'est Banchero le meilleur joueur. Donc ça, déjà, il y avait un petit côté cocher ce match en disant, non, on va prouver qu'on est une équipe qui est supérieure à Orlando. Orlando, la saison dernière, c'était pas fameux malgré l'arrivée de Banchero. Et ben non, on n'a pas ressorti avec la victoire là-bas. Ça, celle-là, elle m'embêtait un peu plus, j'avoue. mais surtout à Mais. plusieurs aspects, c'est-à-dire que Orlando fait partie de cette meute actuellement avec Cleveland, avec Indiana, avec qui on a également, je vais te dire, Cleveland, Indiana, Miami on a aussi, Orlando, Miami. Cleveland, Indiana, Miami et nous. Donc on a justement cette meute de 5 équipes qui vont se battre pour les 3 places qualificatives directes. Donc c'est d'autant plus embêtant, c'est-à-dire que ben, tu vas avoir ce qui s'appelle ben, le... j'oublie le Pas le terme. goal average, mais en tout cas l'avantage Ouais, des confrontations directes. c'est ça, c'est le cut, quoi. C'est ben, au niveau des confrontations directes, à un moment donné, si on a le même bilan qu'eux, ben, on verra qu'est-ce qu'on a fait contre eux. Et c'est vrai que cette défaite est un petit peu ennuyeuse. Aux Pacers et aux Thunder, c'était 2 équipes qui étaient en forme au moment où on les prend et qui maîtrisaient parfaitement leur basket. Donc qu'on les perde ces matchs, c'était un petit peu logique. Maintenant, depuis que OG est arrivé, ben, c'est sûr que ben, on est passé quand même dans une autre dimension au niveau notamment des points caissés. T'imagines que sur les derniers matchs, on en prenait 130 contre les Bucks, 122. On perd 129 contre le Thunder, 140 à nouveau contre Indiana. Tu vois, 130, Ça on faisait prenait beaucoup, ça 130 faisait points, beaucoup. 140 points contre les Clippers. Ça faisait beaucoup de points. Et là, en fait, les points encaissés, c'est 106, 192 et 105. Depuis que Il y a un OG est là, clair effet OG depuis parce que son depuis arrivée. qu'il est. En fait, ce qui se passe, c'est que il prend le meilleur joueur adverse, quoi. Et ça, on le voit, on l'a vu tout de suite. Contre les Timberwolves, il s'est coltiné Edwards. Edwards. Contre les Bulls, il a pris DeRozan. Contre les Sixers, bah, il était sur Embiid Maxi. Parfois. Alors, un peu Embiid, mais il était surtout sur Maxi. Et La contre les polyvalence Wizards, aussi aide grandement, quoi. il était sur Kuzma. J'ai beaucoup aimé l'association Anunoby Grimes lorsqu'ils étaient sur le terrain. En termes de défense, c'était un enfer. C'était un enfer parce que ben, tous les Ouais, joueurs puis pouvaient quand défendre. tu mets le petit McBride, il est pas très grand, mais c'est aussi un bon défenseur. Ah Donc oui. effectivement, là, ça mène la vie dure aux équipes Mais adverses, quoi. les trois ensemble, ça switchait sur tout, ça lâchait pas, ça contestait chaque tir. C'était un vrai enfer pour pour les Wizards, notamment parce que ça a été vraiment mis en place là. Enfin, c'est là vraiment que ça m'a sauté au visage. Cette association-là est pas mal. De toute façon, on savait que l'arrivée de OG Anunoby allait un petit peu ben, recadrer. Comment dire, aller remettre des curseurs en place parce que ben, finalement RJ avait du talent offensif, peut-être plus en termes d'attaquant pur que OG Anunoby, mais peut-être moins complet dans tous les autres aspects du basket que lui. Et on savait que ben, OG allait justement nous rééquilibrer un peu tout ça, notamment en défense, et c'est ce qui se passe. Alors, on a pour l'instant un panel de 4 matchs. C'est compliqué Ouais. de tirer un vrai bilan. Je pense qu'on Et en même pourra temps, tirer un vrai. 4 victoires, donc on peut ne Oui, que être satisfait bien aujourd'hui sûr, du mais trade. à la fin, je pense qu'on pourra faire un vrai bilan et compter sur moi pour Au le moment du break rappeler. du All-Star. Ouais, ou même non, mais même à fin janvier, déjà avec un panel de 1 mois de compétition, voire au bout d'un mois. Bon, là pour l'instant, au bout d'un mois, on est sur un 4-0. Est-ce qu'on sera autant positif? Après, on a un mois de janvier qui est plus clément que le mois de décembre. Ouais. Donc, Les mais. Knicks ont beaucoup joué à l'extérieur, ils vont jouer un peu plus de matchs à domicile, tant mieux. Et Ça, on deviendra on l'équipe qui l'évoque jouera peu. le plus à domicile d'ailleurs, parce qu'il y a un match Ah. qui a été décalé, un match de Contre Détroit, Détroit. les pauvres qui ne demandaient, qui ne demandaient rien, on leur a dit, bon, vu que les Knicks ils jouent un match en moins, eh ben c'est vous qui jouerez un match en moins à la maison, et écoutez, on s'en fout de Bon, vous, de toute façon allez. vous êtes nuls, donc vous Ça taisez, et puis sera c'est tout, quoi. Peut-être le match de retour d'Alec Burks à New York, qui sait? Qui sait? Ben, peut-être. Mais Mais effectivement, non, non, après. la défense va mieux et l'effet OG est présent. Alors, on se rappelle que la saison dernière, c'était Josh Hart qui était arrivé en cours de saison et puis ça avait tout de suite assez rapidement cliqué avec le reste de l'effectif. Ça s'était concrétisé par une série à un moment donné qui allait jusqu'à 9 victoires consécutives. Donc là, les Knicks n'en sont qu'à 4. On va regarder ce qui va nous attendre sur le programme de la semaine pour savoir si, oui ou non, cette série peut se prolonger. Est-ce qu'on va aller au match 6 victoires jusqu'à 7 victoires? Qui sait? On va en parler juste après. Bon. On a parlé de pas mal de joueurs, on a parlé de pas mal de matchs, on a parlé de pas mal de moves. À un moment donné, nous, on va aussi remettre un award, et parce que c'est la tradition depuis ce début de saison sur KNFTV, sur AvenX Week, on va vous parler du KNFTV Knicks of the Week. Alors, est-ce que c'est OG Anunoby, qui ont pour l'instant est synonyme que de Est-ce que c'est victoire? Miles McBride? Est-ce que c'est Miles McBride? Est-ce que c'est Dante DiVincenzo qui nous fait quelques petits Bon, cartons aussi? et tu sais qu'une aparté, une petite aparté avant Ça avant sera pas de dompté. Ça sera décerner, pas dompté. ça sera pas dompté, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à Dante DiVincenzo que ce qu'il fait actuellement avec les New York Knicks? Dites Qu'est-ce tout en qu'on peut lui commentaire, bien demander de sûr. plus? Ben, Il est à il amène. l'interception, aux 3 points, Aux 3 points, au à la dunk. défense, Il passe du Gatorade par moment. il fait des passes, il fait le lien aussi parce que c'est le poteau, il fait partie des Villa Boys, donc c'est le poteau du chef. Donc, Oui, on le voit. La connexion mais est bonne entre les concrètement, deux. avec sa signature et avec ce qu'il produit et ce qu'il amène, qu'est-ce qu'on peut lui demander de mieux que ce qu'il fait actuellement? Franchement, moi je suis hyper satisfait de Dante DiVincenzo. Il a une régularité à 3 points, c'est. Incroyable quoi, c'est. Enfin bref, Bah, il a moi je été suis recruté entre autres pour apporter son shoot à 3 points. Et voilà, il nous fait des séries des fois à 6-7 paniers 3 points par soir. C'est plutôt intéressant. Plutôt très Alors. intéressant, effectivement. Mais non, ça Mais. ne sera pas lui cette semaine. Alors, on a nos fameux All-Star en puissance, Julius et JB, qui en ont récolté déjà pas mal des trophées hein, de Knicks Oui. of the Week. Donc là, Et puis non, cette semaine, on a on. toujours dit que ça servait aussi à mettre en lumière ben d'autres joueurs d'Enix. Voilà, on sait que Et eux ils sont forts. en lumière, il y a un joueur qui s'est montré plutôt à son avantage. C'est notre fameux Le Blanc ne sait pas sauter, eh ben si, Isaiah Hartenstein, allemand de... Le tronc de passeport. Voilà, qui nous a fait une sacrée semaine, qui nous fait une sacrée période depuis un petit moment, depuis finalement la blessure de Mitchell Robinson. Il a été propulsé assez vite finalement, pivot titulaire, parce que Jericho Sims s'est rapidement blessé lui. Et puis Jericho Sims, on l'a vu, très très limité quoi. On l'a vu contre du Anthony Davis, on l'a vu contre du Giannis et compagnie, on l'a vu contre du Rudy Gobert et du Karl Anthony Towns, on l'a vu contre Joel Embiid. Finalement, il a été testé à différentes sauces, l'ami Hartenstein, et il nous sort même des matchs à 20 rebonds pardon, par soir. Donc, comment ne pas, à un moment donné, lui décerner un petit peu d'honneur? C'est notre tout premier KNFTV Knicks of the Week de l'année 2024. Voilà. Encore longue, mais on tenait quand même à lui remettre ça. Il a pas la fève, mais il a la couronne pour cette semaine. si je peux, voilà, mettre quelques points sur les quatre derniers matchs, donc de 2000, sur les quatre finalement premiers matchs de 2024, les quatre de la semaine. Notre ami Hartenstein tourne quand même à 10,5 points, à 13,5 contre, 2,8 assists, 2,3 ballons volés et 3 contre par match. Et 3 contre par match avec un joli 70% au shoot. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et un plus minus à plus 23. Ouais. Donc, son contrat, il a quoi? 8 millions de dollars la saison? Ah bah, je peux te... Bon. Il va falloir reparler négociation salariale à la fin de la saison et à l'été prochain. Mais clairement, c'est dire, son contrat, un très bon rapport qualité-prix qu'on a aujourd'hui avec Isaiah Hartenstein. Quoi. Il est actuellement sans contrat de notre ami Hartenstein à 8 millions la saison. 8 millions la saison. Bon. Mais c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça dépanne. C'est solide. Non. Il y a de l'énergie. Il y a de la combativité. Il y a du passing. Il y a du dunk. Il y a aussi. Et puis ce qu'il y a de bien avec Hartenstein, c'est qu'il se sent mal s'il ne contre pas la star adverse. Il se sent pas bien. Il faut qu'il sorte un monster block. On se rappelle contre Minnesota, la bâche qu'il met à Rudy Gobert, il lui impose une comme il faut. À Chicago, Patrick Williams qui veut lui monter dessus. Non, monsieur, pas ça chez nous. Contre Philadelphie, bah, évidemment, Joel qui veut y aller dans cette minute un peu folle. Ça va y aller facile. Et il lui monte dessus, bam. Et puis il avait contré aussi Maxi, je crois, premier quart. Et puis contre Washington aussi, il pose un joli contre. Non, il est très bon. Contre Chicago, il met quand même 5 contre et 20 rebonds. Ça avait été son match référence. Il avait été incroyable à ce match-là. Si bien que il nous fait un peu oublier notre gentil meneur titulaire. Quoi. C'est vrai que on a quand même un mec qui voilà, comme je t'ai dit, hein, qui est titulaire, notre ami Hartenstein, depuis qu'il est titulaire, il tourne gentiment à 8 points, à 10 rebonds et à 1,6 contre. C'est-à-dire, ce sont des stats à la Mitchell Robinson. C'est simple, voilà. Ce sont les stats de Mitchell Robinson. Depuis qu'il est titulaire. On n'a pas une dissuasion parce qu'il est moins grand, mais il fait le boulot. Il joue différemment parce que. Parce qu'il sait faire des passes. Par contre, contrairement à Mitch, lui, il tourne à trois passes par match. Et puis, en effet, il a des mains un peu plus fiables au shoot. Mais Hartenstein, très bon. Je me rappelle de l'année dernière, j'avais tenu des propos un peu virulents à son encontre. Il avait su me faire fermer ma bouche en 2023 parce qu'il avait été très bon. Et en fait, depuis, il est très bon. Et il n'y a rien à dire. Comme tu le disais, pour Dante, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Peut-être de saigner un peu trop vite. Il passe souvent parce qu'il va au contact, il va au mastic. Il faut couper les ongles, peut-être. Il faut checker un peu les ongles des adversaires. C'est les adversaires, mais il doit pas avoir le cul assez solide. Il y a un match, il a la bouche en sang. Hein, et, enfin, pareil, Artie, tu peux pas lui demander plus que ce qu'il fait. Sang, sueur, larmes, tout ce qu'il veut, mais en tout cas, il a apporté énormément à l'équipe et on devait le récompenser pour ce premier award de la saison sur KNFTV, sur la saison de l'année 2024. Il était temps de lui rendre un petit peu quelques heures. Et puis comme on a toujours dit, oui, Julius, oui, JB, ce sont nos leaders. On sait qu'ils sont très forts et évidemment que Mais il n'y a pas que ça. on pourrait leur mettre le award, mais dans ces cas-là, enfin, ça serait quand même dommage. Ça sert aussi bah, de parler d'un joueur en particulier, de mettre le spot sur un joueur en particulier et dire, hey, regardez-le, lui, il est bon, lui, il a fait une belle semaine et actuellement, bah, il mérite les louanges, quoi. Donc, Une voilà. belle semaine, un record en carrière au rebond face à André Drummond. Bon, ça méritait, ça méritait. Hein, là, je pense que ça sera indiscutable. Vous nous suivrez dans les commentaires pour ce choix. Bon, on a raconté beaucoup de choses. Il va falloir qu'on regarde ce qui se projette maintenant. Quatre victoires d'affilée, c'est bien. La série peut-elle se poursuivre? On regarde tout de suite ce qui se présente au programme des Knicks cette semaine. Allez, c'est parti. On regarde le programme de la semaine. Alors, on va reprendre aussi les fameux pronostics. Est-ce que l'oracle de 2023 va pouvoir être oracle en 2024? Ça, on va le savoir. Cette semaine, trois petits matchs. C'est bien, trois petits matchs. La semaine prochaine, il y aura autre chose. Mais cette semaine, trois matchs, dont un match à domicile. Oui, les Knicks reviennent chercher quelques affaires propres pour partir en voyage ensuite le reste de la semaine. Ça sera dans la nuit de mardi à mercredi, la réception des Portland Trail Blazers. Tiens, tiens, le fameux Malcolm Brogdon, ça peut peut-être permettre de finaliser un deal ou pas, on verra. Réception des Blazers, les Blazers qui sont bah, forcément en plus grande difficulté par rapport à la saison dernière où ils ont perdu un certain Damian Lillard. Mais pour autant, il faudra s'en méfier. C'est une équipe qui peut présenter de belles choses. Il y a des bons joueurs aussi. Je ne sais pas s'il y a des blessés, j'avoue, je n'ai pas regardé l'état de leur infirmerie. Je ne sais pas si toi, de ton côté, Seb, tu as quelques infos sur leur dernière sortie. Mais c'est les Blazers avec qui on commence la semaine au Madison Bah, Square Garden. les Blazers, c'est une équipe, comme tu as dit, en construction, qui est actuellement à 10, en 10-25 depuis le début de la saison, qui a gagné son dernier match dans un match un peu fou contre Brooklyn, à Brooklyn, avant que les Nets Méchant s'envolent ça. pour Paris. Ils sont sur un road trip de 7 matchs. Donc nous serons le cinquième match. Jusqu'à présent, sur leur road trip, ils en ont perdu 3, ils sont sur un 1-3. Voilà, c'est une équipe qu'il faut battre, quoi. Il n'y a pas Oui, de. là, il n'y a Ça, c'est une pas à équipe. tortiller. Jusqu'à présent, hormis Utah, qui a été un petit peu, qui a été un petit peu Le faux pas. le petit caillou dans la chaussure, on a su gérer les équipes qui étaient justement en difficulté ou hors play-in. Donc c'est voilà, c'est une équipe qu'on ne doit pas avoir, on ne doit pas avoir de sueur froide, quoi. On aura l'occasion de voir le numéro 3 de la dernière draft, Scoot Anderson. Tout en Est-ce garçon qui que Ayton sera de la partie à voir. Anfernee Simons, je ne sais pas non plus. Bon, on verra en tout cas qui va se présenter. Et pourquoi pas, ça pourra discuter en coulisses d'un éventuel échange. Ensuite, les Knicks Écoute, vont en tout cas, s'envoler. sur le dernier match, en effet, le 5 titulaire, Toumani Camara, Jérémy Grant. Alors lui, je ne sais pas qui c'est, là, Rhys, c'est leur centre. Anfernee Simons, qui avait été très bon, et Scoot Anderson. Voilà. Et puis après, ils ont un Chris Murray, ils ont un Brogdon, ils ont un Shaden Sharp qui sort du banc. Ils ont une équipe qui est pas mal, mais c'est comme les Wizards, quoi. Ouais, c'est jeune et ça doit se prendre. Derrière, donc, que je disais-je, déplacement dans le Texas, à Dallas, dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, voilà, ça va permettre de se tester face à Luka Doncic, Julius Randle qui est un Dallasois, je sais pas comment dire, un natif de Dallassois. Dallas, un Dallasois. Voilà. Si vous savez comment on prénomme les habitants de Dallas, dites-nous en Dallassien. commentaire. Un Dallasien? Un Dalmatien? Bon, bref. Un Texan, en tout cas. C'est sûr, c'est un Texan. Bref, il aime bien jouer à Dallas. Là, ce coup-ci, plus de Porzingis à Un venir Dallassien, martyriser. ça se dit. Un Un Dallassien. Dallasien? Eh ben voilà, on en apprend. C'est bon pour la culture aussi à Phoenix Week. Ah. Voilà, il y a la paire Kyrie Irving et Luka Doncic, même si d'un dernier temps, Luka pouvait être sur la touche. Donc voilà, un match test aussi dans cette semaine. Autant on démarre facilement sur le papier face aux Blazers, face aux Mavs. Bon, il serait de bon ton d'aller aussi chercher une victoire. Même si ça souffle le chaud et le froid à Dallas en ce moment dans la conférence Est. Qu'est-ce que tu peux Dallas, nous dire sur Dallas? c'est une équipe en 22-15 quand même, hein. Donc nous on est en 21-15, en 22-15, donc on a quand même un parcours à peu Bilan près comparable. similaire que eux. Ils sont sur Jalen trois Brunson, victoires. son retour. J'allais prendre son retour là-bas aussi. Ouais. Avec le poteau de, avec le poteau de Lucas. Donc ils sont sur 3 victoires consécutives. Bon, 2 contre Portland et mais une belle contre Minnesota cette nuit. Avec un retour donc de, comme tu l'as dit, de Kyrie Irving. En effet, donc leur 5 voilà est redevenu avec Dwight Powell, Kyrie, Luca qui est toujours bon. Enfin, un Grant Williams qui sort du banc, pareil qu'un Tim Hardaway Jr. Donc voilà, donc une équipe solide. On se rappelle du match de l'année dernière et ce rebond à la dernière seconde. Ouais. Et le point qu'il les envoie en prolongation et en perd, alors qu'on aurait dû leur remporter ce match. C'était le double à 60 points de Doncic. C'était incroyable. C'était incroyable. On a de mauvais souvenirs. On a de mauvais souvenirs de ça. Il va falloir faire mieux. Il va falloir être plus impliqué. Avant de nous jouer, ils joueront donc Memphis. Ils joueront Memphis à la maison. Memphis qui sera le dernier match de cette semaine. Donc déplacement dans la nuit de samedi à dimanche dans le Tennessee. Memphis qui retrouve des couleurs depuis qu'ils ont retrouvé Ja Morant. Donc là, attention, Hartenstein, il y a forcément un client qui va vouloir te dunker dessus. Oui. Sur qui va défendre OG Anunoby? On verra. Bon, Memphis qui est vraiment en retard. En retard, oui, il y a ça aussi, effectivement, à maintenir, on va dire, dans l'attaque des Grizzlies. Il y a un Jared Jackson Jr. Je ne sais plus. Bref, le triple G. Jaren. Côté Memphis, qui est l'ancien, enfin le Depoy en titre. Donc ça promet un beau duel aussi. Memphis qui accuse un déficit, un retard quand même à l'allumage en début de saison de par la suspension de Ja Morant. Ja Morant qui n'a pas joué beaucoup de matchs, mais Ja Morant qui se retrouve dans les votes pour le All-Star Game. On n'oublie pas de voter. Hein. Popularité avant tout, même si les joueurs n'ont pas joué. On peut. Ja Morant qui n'a pas joué le dernier match. C'est une reprise de saison NBA, c'est pas si évident que ça, quoi. J'ai pas trop suivi le pourquoi du comment. Du comment. Comme tu dis, on a des Memphis Grizzlies à 13-23. Forcément, le début de saison un peu compliqué, puisque Jaren Jackson Jr. avait été blessé, Ja Morant était suspendu. C'était un petit peu que Desmond Bane qui était là. Finalement, après, ça s'est un petit peu repris. Sur les derniers matchs, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur les 5 derniers matchs, ils sont en 3-2. Avec des défaites contre Sacramento et Toronto et des victoires contre les Spurs, les Lakers et Phoenix. Ils sont sur 2 victoires d'affilée contre quand même les Lakers et Phoenix, ce qui n'est pas rien. Ils joueront juste avant nous Dallas et les Clippers. Donc ils seront en back-to-back. Ils seront en back-to-back contre nous, ils auront joué les Clippers juste avant. Donc ça peut permettre de donner un avantage en termes de fraîcheur. Est-ce que tous les joueurs seront présents? Est-ce que Ja Morant sera un peu en load management pour son retour? À voir. Bon bref, ça fait une sacrée semaine, une sacrée fin de semaine en tout cas, en déplacement. Qui se lance sur le jeu des pronos? Toi, moi? Allez. Vas-y. Je vais y aller. Qu'est-ce que j'irais bien parier moi sur cette semaine? Bon. La série de 4 victoires, je la vois au moins poussée jusqu'à 5. Il faut prendre ce match face aux Blazers. Ça serait un faux pas, ça serait vraiment de mauvais goût, de mauvais augure de commencer la semaine avec une défaite à domicile face aux Blazers. Donc ça, moi j'ai envie de dire que la série est poussée au moins à 5. Après, le doute me fait, me fait hésiter sur le prono pour la fin de la semaine. Dallas, est-ce qu'on s'impose à Dallas? Est-ce que c'est la classe à Dallas? Est-ce que c'est pas la classe? Bon, allez, ce coup-ci, j'ai envie de dire que ça pousse à 6. On va s'imposer à Dallas, mais je sais pas pourquoi. Je sens une défaite face aux Grizzlies. Donc moi, je verrais plutôt un 2-1 cette semaine. Une série de victoires qui pousse jusqu'à 6. 5-6, ouais, c'est ça. Mais contre les Grizzlies, je sais pas. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Est-ce que Ja Morant, il a envie de se faire l'Enix? Comme tu l'as dit, ils seront en back-to-back. Est-ce que ça, ça peut jouer en notre faveur? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt à Dallas qu'on va faire un faux pas? Ou est-ce qu'on va... tout simplement, comme on a OG Anunoby, on va continuer de gagner ces matchs. Moi, je donne un 2-1 sur cette semaine, une série qui pousse à 6 et une fin de semaine qui termine par une défaite à Memphis. Toi, de ton côté, tu vois les choses comment? Est-ce que c'est toi? Moi, je vois une victoire. T'es bien? Moi, je vois 2 victoires. Ouais. Moi, je vois 3 victoires. Oh là là là là, tu démarres l'année en grande confiance. 3 victoires, effectivement, le 3 de JB. Ça serait bien, ça pousserait à 7. Je vois 3 victoires. En ce moment, on a un peu le vent avec nous. On a voilà cette solidité défensive qui est enfin revenue. On a des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire sur un terrain. Personne ne s'invente un rôle. On a nos leaders d'attaque, on a nos leaders Le groupe vit défensifs. bien. Ouais, il y a l'air d'avoir une bonne alchimie dans l'équipe. Portland, voilà, il faut les prendre ce match. Moi, je Défaite vois pas autre interdite. chose. Je vois pas autre chose qu'une victoire. Comme tu dis, après, évidemment, les deux gros morceaux sont Dallas et Memphis. Ça joue pas ouf des deux côtés. C'est. Alors tu diras, bah Dallas, pourtant ils ont le même niveau que nous, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que Dallas avec Luka Doncic a tendance un peu trop à vaporiser le ballon. Vampiriser le ballon du moins. Bah, ça étouffe un peu les autres, ou même s'il fait beaucoup de passes, mais. Bon. Mettons OG Anunoby dessus en défense, et puis on l'éteint. Ouais, C'est moi ça. On le frame. je pense que voilà, on a une dynamique et on peut pousser ben, cette petite série à 7 victoires. D'accord. Il nous faut garder un certain rythme parce que derrière, voilà, on a pareil, on a un troupeau là de mecs qui sont derrière nous et aussi veulent tabasser tout le monde. Donc, tu vois, Cleveland, je sens que ça va battre les Nets ben, au match de Paris. On a des Orlando Magic qui jouent bien, on a des Indiana Pacers qui jouent bien, on a Miami qui est toujours là pour la gratter. Donc il nous faut des victoires pour rester justement dans ce bon côté du wagon, parce qu'on a bien compris que derrière ça veut vraiment commencer à décrocher. Donc on va se jouer entre ces cinq équipes-là, c'est nos principaux concurrents. Tout le monde se scrute du coin de l'œil. Orlando a gagné cette nuit, tu vois. Donc, non, il faut continuer à maintenir la pression. Et ça passe par trois Ça, victoires cette semaine. on sera content de compter plus de victoires que de défaites à l'issue de cette semaine et sur cette semaine. Donc on vous donnera rendez-vous lundi prochain pour savoir qui de nous deux a vu juste. Et puis dites-nous en commentaire, hein, c'est toujours le petit jeu de la semaine aussi, de Oui, savoir bien sûr. qu'est-ce que vous N'oubliez voyez sur cette pas. semaine. N'oubliez pas Ça le coûte petit rien de faire un petit commentaire. prono, hein. Si vous êtes Ouais, un bon petit pronostiqueur, commentaire. mauvais pronostiqueur, on ne vous jugera pas sur ça. Par À contre, la on est limite, content de même, savoir. tapez pas à la porte, vous essuyez pas les pieds, pas besoin de dire bonjour, vous marquez votre prono, vous partez. Tu vois. Il n'y a rien à N'oubliez gagner, il n'y a rien pas à de mettre perdre. Bon. un petit pouce bleu, histoire Voilà. que notre visibilité sur YouTube soit bien présente. Mais voilà, sinon, on va lancer un petit 3R, par exemple, puis ça sera très bien. Voilà. Et c'est pas parce que les fêtes de fin d'année sont terminées qu'on va arrêter de faire la fête. Non, en 2024, KNF est toujours là. La Knicks Nation France vous propose toujours des événements et aura l'occasion de vous proposer une viewing party à la fin de ce mois, à la fin du mois de janvier. C'est un samedi. Oui, c'est pas un dimanche, c'est un samedi. À 21h, le match pour qui? Pour recevoir le Miami Heat. Tiens donc, ça va faire de quoi faire tenter une petite revanche par rapport à la dernière série de playoffs. Voir si cette fois-ci Julius est un peu plus au niveau. Voir si Julius va nous mettre un buzzer beater comme il avait pu le faire à Miami la saison dernière. Bref, prenez rendez-vous, notez ça dans vos agendas le samedi 27 janvier à partir de 20h30 au Hideout, lieu habituel, espace privatisé à l'occasion pour l'association. Donc on aura l'occasion d'avoir une belle affiche et de célébrer, fêter cette nouvelle année 2024. On l'espère avec plein de victoires au compteur des Knicks et une de plus à l'issue de ce match face au Heat. On verra tout ça. En tout cas, voilà, la date est connue, save the date comme on dit. Et puis nous, on va vous donner rendez-vous ni plus ni moins que lundi prochain sur KNF TV. Vous souhaitez une excellente semaine. Essayez de penser à voter pour les Knicks, Jalen Brunson, Julius Randle, d'autres si vous voulez, mais pensez à voter pour eux pour le All-Star Game. C'est pas forcément le match qui importe le plus, mais c'est la reconnaissance de la qualité de nos joueurs. Ils sont peut-être pas si populaires que d'autres, mais en tout cas, ils affichent un niveau de jeu All-Star. Et Ah ça, oui. pour le Et ils ont les confirmer, il faut résultats. voter. Et ils ont les résultats. En plus, l'équipe gagne. Donc de quoi on se plaint? Ne faisons pas la fine bouche. On pourrait avoir deux All-Stars à New York. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Moi, je Depuis... sais depuis quand. Toi aussi. Dites-nous en commentaire si vous savez quels sont les deux derniers Knicks à avoir été All-Stars en même temps, sous le maillot des Knicks, bien sûr, et dans la conférence Est. Voilà. Et on vérifiera s'il y a eu des bonnes réponses dans les commentaires. Allez, sur ce, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Voisin du dessous, porte-toi bien. On vous donne T'inquiète. rendez-vous lundi prochain de 1 3 0 0 3 1 2. Dites-nous les commentaires, vos pronos. Et puis, on se donne rendez-vous pour débriefer tout ça la semaine prochaine dans l'épisode numéro 74. Mais oui, tout simplement. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Et à très vite sur KNF TV. Ciao, ciao. Salut.